Valérie Levé au microphone de Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1 et nous retrouvons au téléphone Frédéric Bouchard, notre chroniqueur des savants méconnus. Sauf qu'aujourd'hui, c'est de lui qu'il va nous parler parce que Frédéric est chroniqueur, certes, mais aussi chercheur. Il a notamment rejoint le plan Macron au printemps dernier et dans le cadre de ce plan, il vient d'aller faire un petit tour en Sibérie. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir, presque bonne nuit pour toi, parce qu'il est quand même assez tard, il fait nuit depuis un petit bout de temps déjà. Ça va bien. Oui, disons, Frédéric, si on commençait par le début, une mise en contexte de ton projet de recherche, et si tu nous rappelais en quoi consiste ce plan Macron? Oui, le fameux plan Macron, m'entendez bien là, présentement, ça va, oui? Très bien, oui. OK, super. Ça a commencé... En fait, il faut rappeler que le plan Macron, c'est d'abord le plan Trump. On peut dire ça, au fond, parce que c'est Donald Trump qui avait annoncé en juin 2017, que les États-Unis se retireraient des accords de Paris sur le climat. Et la journée même, ou dans les journées qui ont suivi, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il voulait recruter des chercheurs dans le domaine du climat à l'international. D'abord, c'était dirigé vers les chercheurs américain. Mm-hmm. Et puis, on a appris par la suite que c'était dirigé vers les chercheurs d'un peu partout dans le monde. Alors, j'ai appliqué là-dessus au début. Je me suis renseigné. Il y avait un site Internet et tout. Et puis, il y a eu plusieurs rounds ou plusieurs tours de sélection, si je peux dire. Et puis, vers la fin, il en restait une centaine. Et puis, on a demandé aux 100 chercheurs, ou à la centaine de chercheurs, de trouver un laboratoire en France et finalement de monter un dossier de candidature conjoint, c'est-à-dire un candidat et un laboratoire. Donc le laboratoire d'accueil devait vraiment faire des efforts pour monter le dossier également, fournir un support en personnel et tout. Et puis la première vague de lauréats a été sélectionnée en décembre 2017, et puis ils ont depuis sélectionné une deuxième vague en avril-mai de cette année. Et puis, je suis installé en France depuis le mois de mars-avril 2018 de cette année. Ça a commencé sur les chapeaux de roue. Je suis installé à l'Université Paris-Sud, donc à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris, qui est dans la ville de Orsay. Et puis, il y a un laboratoire là-bas qui s'appelle GEOPS, Géosciences Paris-Sud. Et c'est là que je suis installé depuis le mois de mars. Mm-hmm. Et alors, en quoi consiste ton travail dans ce laboratoire? Quel est l'objet de ta recherche? Oui, c'est le projet... C'est un acronyme, hein? Les Français adorent les acronymes. Donc, c'est le projet PEGS, P-E-G-S, pour... Pergélisol et gaz à effet de serre en Sibérie, permafrost and greenhouse gas in Siberia. Et donc, l'objectif général, c'est de voir comment et à quelle vitesse il y a des gaz à effet de serre comme le CO2 et le méthane qui sont relargués par le dégel du pergélisol dans un site en plein centre de la Sibérie, pas loin de Yakoutsk, pour ceux qui connaissent un peu leur géographie russe, qui est assez immense d'ailleurs. Ouais. Donc, ouais. Le terrain d'étude est en plein centre de la Sibérie. Ouais. Alors, pour étudier le pergélisol sibérien, il faut bien finir par s'y frotter et aller sur place. Et tu reviens justement d'une campagne de terrain en Sibérie, là-bas, à Yakoutsk. Oui, voilà, c'était quand même épique, et puis ça s'est très bien passé. Tout le monde est revenu en un seul morceau. On espère. Il faut savoir que on pourrait pas aller là, on pourrait pas se pointer là comme ça dans le fin fond de la Sibérie si c'était pas de la collaboration que mes collègues français ont développé depuis plusieurs années déjà avec les chercheurs russes. Mm-hmm. Alors, il y a des chercheurs russes qui travaillent à l'Institut du pergélisol à Yakoutsk. Mm-hmm. Dans le fond, c'est là où il y a eu les premiers travaux sur le pergélisol il y a plus de 150 ans. Donc, c'est vraiment comme un pèlerinage d'aller là pour un chercheur dans le pergélisol, d'aller près de Yakoutsk. Et donc, il y a 3-4 chercheurs, des collaborateurs là-bas qui viennent en même temps que nous sur le terrain, qui nous aident et puis qui sont pas seulement pour une aide logistique, mais qui sont carrément des co-auteurs sur des articles scientifiques, par exemple. Donc, c'est vraiment des collaborateurs au niveau scientifique. Donc, qui participent à la démarche scientifique dans le sens de par rapport aux hypothèses de recherche, la méthodologie, l'analyse des résultats. Oui, en fait, quand on est parti sur le terrain, on a été peut-être la moitié du temps sur le terrain en tant que tel à échantillonner de l'eau, des sols, des gaz, etc. Puis l'autre moitié du temps, en fait, on a passé beaucoup de jours à Yakoutsk, à l'Institut Pergélisol, finalement, à discuter du projet puis à améliorer les questions de recherche avec les collègues russes et les collègues yakoutes. Donc, ça a été, dans le fond, notre petite équipe de Parisiens. Il y avait deux Français, un Allemand et puis un Québécois. Mm-hmm. Et puis, on était hébergés dans une maison là-bas de Yakout, de papy et mamie, de Diadouchka et Babouchka, qui nous accueillaient chez eux. Super. Et puis, on était là, une dizaine de jours dans la taïga du milieu de la Sibérie. Et puis, ça s'est très bien passé. Oui, et ça ressemble à quoi visuellement quand on est dans la taïga en Sibérie? Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec ce qu'on a dans le nord canadien? Ben, on pourrait peut-être faire, pour ceux qui sont déjà allés, par exemple, dans la forêt boréale, la baie James, ou dans le nord de l'Ontario, qui ont vu des épinettes et des tourbières à perte de vue. Ben, c'est un peu semblable dans le sens où il y a la forêt boréale qui est là. C'est pas tellement de l'épinette, c'est plutôt du bouleau puis du mélèze, mais il y a encore, on est vraiment encore dans la forêt. C'est ça qui est quand même intriguant pour un chercheur sur le Pergélisol, c'est qu'il fait très froid. En fait, il fait très froid l'hiver. La moyenne de janvier, par exemple, est de moins 40 et ils enregistrent parfois du moins 60 durant l'hiver. Par contre, durant l'été, ben, la moyenne de juillet est de 20 degrés. Donc, ils peuvent avoir des vagues de chaleur de 35-40 degrés, comme il y a en Europe ou dans le sud du Québec, finalement. Donc, il fait très chaud l'été, ce qui permet aux arbres de se développer, aux racines de se développer, mais il fait très froid l'hiver, ce qui fait en sorte qu'il y a près d'un demi-kilomètre d'épais de sol gelé cet endroit-là. Donc, c'est vraiment particulier. Ben oui, c'est particulier parce qu'un demi-kilomètre de sol gelé, ça fait beaucoup, mais en même temps, s'il fait 20 degrés puis que ça fond, j'imagine que l'espèce de couche active en surface du pergélisol est plus importante là-bas qu'ici. Parce qu'ici, il me semble, je ne sais pas, tu vas peut-être nous le dire, mais là où on a du pergélisol dans le nord canadien, est-ce qu'on a des arbres encore? Ben, premièrement, non. C'est ça? Justement, en général, quand on va, par exemple, dans la péninsule d'Ungava ou dans l'est de l'Arctique canadien, c'est pas long qu'on dépasse la limite nord des arbres. Donc, en général, quand il y a du pergélisol sur plusieurs dizaines ou centaines de mètres d'épais, il n'y a plus d'arbres du tout. En général, la couche, ce qu'on appelle la couche active, donc c'est la couche qui dégèle à chaque été. Donc, ça peut être quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres, parfois un mètre ou deux. En Yakoutsk central, près d'où on était, c'est justement ça, c'est 2 mètres d'épais. Donc, quand on veut creuser, par exemple, c'est arrivé, il a fallu qu'on creuse une tranchée pour aller prendre des échantillons de pergélisol, de sol gelé. Il a fallu creuser sur 2 mètres de profond, par 1,5 mètre de large, par 2 mètres de large, ou c'est de long, si on veut. Donc, on en a pelleté un coup, puis ça montre finalement que les températures estivales là-bas sont quand même très chaudes par rapport au reste de l'année. Est-ce que ça suggère aussi qu'il y a une vie plus active aussi, vu qu'il fait plus chaud, peut-être qu'il y a plus de vie dans ce pergélisol et donc plus de matière organique susceptible de se décomposer et de rejeter du méthane? C'est une bonne question. Il faut dire que près de Yakoutsk, ils ont enregistré depuis environ une trentaine d'années un réchauffement de 2 à 3 degrés Celsius. Ça n'a pas l'air énorme, mais c'est suffisant pour faire dégeler le pergélisol à certains endroits, pour faire fondre la glace dans le sol. Mais il faut savoir aussi que par-dessus cet effet qu'on pourrait dire, naturel, donc relié au climat, il y a aussi des pratiques. Par exemple, les Yakoutes sont des éleveurs de rennes et de chevaux semi-sauvages. Et parfois, il y a des champs qui ont été... finalement, il y a des parcelles de forêt qui ont été coupées pour faire place à des champs, des pratiques agricoles là-bas. Et le fait d'enlever la végétation en surface, d'exposer le sol à la chaleur estivale, ça fait en sorte parfois que ça peut accélérer des processus de fond de la glace puis faire dégeler le sol un peu plus rapidement que normalement. Donc, on a vu des lacs, des jeunes lacs, sont formés par le dégel du pergélisol. Ah oui. Et on voit carrément des nouveaux écosystèmes qui s'installent, c'est-à-dire qu'on passe du milieu terrestre au milieu aquatique en quelques décennies, ce qui est quand même très rapide à l'échelle, on va dire, des écosystèmes. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. On a vu des petites bulles remontant en surface de plusieurs de ces lacs-là qui sont très jeunes. C'est des lacs qui ont beaucoup de matière organique, en effet, puis beaucoup de vie dedans. J'ai filmé avec une caméra qui est en dessous de l'eau des bestioles que j'avais jamais vues personnellement. Mm-hmm. Donc, on va sûrement avoir des questions pour nos collègues biologistes aussi en parallèle. Donc là, tu ramènes, toi et tes collègues, vous ramenez toutes sortes d'échantillons, pas dans vos poches, mais peut-être dans des tubes ou autre, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Faut analyser tous ces échantillons. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Oui, exactement. Donc, les techniciens, les ingénieurs, nos collègues dans les laboratoires. Et puis, j'ai des collègues aussi à Québec, à l'INRS, et puis collègues à Montréal, à l'Université de Montréal. Ben, on va, dans le fond, on est rentré il y a peut-être deux semaines. On a préparé certains échantillons qui sont déjà partis dans les différents laboratoires pour être analysés. Donc, beaucoup d'eau. Un peu de gaz, des sols pour le contenu en carbone et datation au radiocarbone, par exemple. C'est un exemple d'analyse qui vont être faits. Et puis, on espère d'ici la fin de l'année d'obtenir les premiers résultats, puis ça va nous permettre d'ajuster pour les prochaines campagnes de terrain à partir de l'an prochain. Ouais, c'est ça, il va y avoir d'autres campagnes de terrain, tu vas devoir t'y frotter un peu plus. Quels sont les moments les plus propices pour faire ces campagnes de terrain? Parce que j'imagine qu'en hiver, à moins 40 degrés, puis quand tout est gelé, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ben, disons qu'y aller l'hiver, nous-mêmes, on n'était pas très chaud, pardonnez le jeu de mots, à y aller, mais juste en discutant avec nos collègues qui restent là-bas, ils ne nous suggéraient pas non plus l'équipement gel. Pas pratique. Par contre, il y aurait moyen, ça a été évoqué et ça va peut-être être le cas, il y aurait moyen d'y aller au printemps, là, mars-avril. Quand il fait, moins 10, moins 20 seulement, et puis il y a moyen quand même de travailler un peu dehors et faire des manipulations du suivi qu'on pourrait pas faire normalement durant l'été. Par exemple, avoir un couvert de glace sur un lac puis carotter, plonger des tubes pour carotter des sédiments. C'est beaucoup plus pratique faire ça avec un couvert de glace qu'à partir d'une petite embarcation qui grouille au rythme des vagues. Ça, c'est un exemple. Et puis, il y a le printemps aussi qui est intéressant quand la glace de lac fond, comme on dit chez nous, quand les lacs calent. C'est un moment aussi où il se passe beaucoup de choses. La vie reprend. Et puis, les bulles de gaz, par exemple, qui étaient piégées dans la glace ou qui étaient accumulées dans les sédiments du fond très tranquilles durant l'hiver, c'est un moment au printemps où tout ça est relargué. Et puis, donc, on discute aussi peut-être d'y aller finalement en juin l'an prochain. Donc, c'est en discussion maintenant. Oui, tu sais, parce que tout ça, finalement, c'est un système assez vivant. Donc, il doit y avoir des périodes où les gaz émis ne sont pas les mêmes, ni en nature, ni en quantité. Donc, c'est peut-être, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe dans ces différents moments de l'année. Et avec tout cela, vas-tu devoir apprendre le russe? Ben, c'est... Oui, vous avez de bons recherchistes, ma foi. Oui, on a commencé avec des collègues, on a commencé des cours de russe depuis la semaine dernière. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs personnes là-bas avec qui on aimerait communiquer un peu plus que par dessin ou par signe. Parce que la plupart de... Bon, il y en avait quelques-uns qui parlaient certains mots en anglais, mais... En général, les gens parlent russe là-bas. Donc, même les scientifiques? Les chercheurs... Les collègues scientifiques se débrouillent en anglais. Ouais. Parfois, on les aide un tout petit peu. C'est un peu comme les collègues français aussi qui ont un anglais des fois qui... même moi, je dois dire, je suis pas bilingue non plus, mais par exemple, le chauffeur du camion qui nous permettait d'aller un peu partout, lui parlait que le russe. Ouais. Et puis, j'aurais bien aimé avoir des discussions avec André, le chauffeur. Donc, on s'est dit qu'on allait faire notre effort. Puis, ça permet aussi d'aller discuter avec les gens du village. C'est beaucoup plus intéressant dans ce temps-là de discuter avec eux. Oui. Donc, c'est une fois par semaine d'une heure et demie. On fera pas de miracle avec ça, mais au moins... par exemple, je suis capable de lire le russe maintenant, puis au moins, on va apprendre les rudiments, question de discuter un tout petit peu avec eux Donc, pour l'an prochain. Bon, alors la prochaine fois qu'on te parle, on te parle en russe. Ouais. Ben, probablement quelques mots, ça devrait être bon. On D'accord. verra. Ouais. Ben, Frédéric, on va te souhaiter bonne chance donc dans tes recherches et surtout, ben, merci beaucoup d'avoir veillé jusqu'à presque minuit pour nous parler. Oui. Ouais. Il n'y a pas de quoi. Salutations à toute l'équipe et surtout à François. D'ailleurs, salutations à François. Salut Frédéric. Ouais. Alors, salut. Alors on te. À la prochaine. Ben, la prochaine pour les scientifiques méconnus, je crois, oui. En novembre. Oui, absolument. Et d'ici là, ben, on te souhaite bonne nuit. Merci super. Frédéric. Merci. Voilà, alors c'était Futur Simple avec CKRL et on va distiller maintenant un petit peu de musique dans vos oreilles avant de vous parler du prix Nobel de physique.